à me voir tous les jours, m'enfonçait de plus en plus dans ce mutisme délicieux, Marthe se figura que je m'ennuyais de plus en plus. Elle se sentait prête à tout pour me distraire. Sa chevelure dénouée, elle aimait dormir près du feu. Ou plutôt, je croyais qu'elle dormait. Son sommeil lui était prétexte pour mettre ses bras autour de mon cou et, une fois réveillée, les yeux humides, me dire qu'elle venait d'avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamais me le raconter. Je profitais de son faux sommeil pour respirer ses cheveux, son cou, ses joues brûlantes et, en les effleurant à peine, pour qu'elle ne se réveillât point. Toutes caresses qui ne sont pas, comme on voit, la menue monnaie de l'amour, mais au contraire, la plus rare, et auquel seule la passion puisse recourir. Moi, je les croyais permises à mon amitié. Pourtant, je commençais à me désespérer sérieusement de ce que seul l'amour nous donna des droits sur une femme. Je me passerais bien de l'amour, pensais-je, mais jamais de n'avoir aucun droit sur Marthe. Et pour en avoir, j'étais même décidé à l'amour tout en croyant le déplorer. Je désirais Marthe et ne le comprenais pas. Quand elle dormait ainsi, sa tête appuyée contre un de mes bras, je me penchais sur elle pour voir son visage entouré de flammes. C'était jouer avec le feu. Un jour que je m'approchais trop, sans pourtant que son visage touche le sien, je fus comme l'aiguille qui dépasse d'un millimètre la zone interdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute de l'aimant ou de l'aiguille? C'est ainsi que je sentis mes lèvres contre les siennes. Elle fermait encore les yeux, mais visiblement, comme quelqu'un qui ne dort pas. Je l'embrassai, stupéfait de mon audace, alors qu'en réalité, c'était elle qui, lorsque j'approchais de son visage, avait attiré ma tête contre sa bouche. Ses deux mains s'accrochaient à mon cou. Elle ne serait pas accrochée plus furieusement dans un naufrage. Et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauve ou bien que je me noie avec elle. Maintenant, elle s'était assise. Elle tenait ma tête sur ses genoux, caressant mes cheveux et me répétant très doucement « Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut plus jamais revenir. » Je n'osais pas la tutoyer. Lorsque je ne pouvais plus me taire, je cherchais longuement mes mots, construisant mes phrases de façon à ne pas lui parler directement. Car, si je ne pouvais la tutoyer, je sentais combien il était encore plus impossible de lui dire « vous ». Mes larmes me brûlaient. S'il en tombait une sur la main de Marthe, je m'attendais toujours à l'entendre pousser un cri. Je m'accusais d'avoir rompu le charme, me disant qu'en effet, j'avais été fou de poser mes lèvres contre les siennes, oubliant que c'était elle qui m'avait embrassé. Mes larmes de rage se mêlaient à mes larmes de peine. Ainsi, la fureur du loup pris lui fit autant de mal que le piège. Si j'avais parlé, ça aurait été pour injurier Marthe. Mon silence l'inquiéta. Elle y voyait de la résignation. Puisqu'il est trop tard, la faisais-je penser, dans mon injustice peut-être clairvoyante, après tout, j'aime autant qu'il souffre. Dans ce feu, je grelottais, je claquais des dents. À mes véritables peines qui me sortaient de l'enfance s'ajoutaient des sentiments enfantins. J'étais le spectateur qui ne veut pas s'en aller parce que le dénouement lui déplaît. Je lui dis, je ne m'en irai pas. Vous êtes moqué de moi, je ne veux plus vous voir. Car je ne voulais pas rentrer chez mes parents. Je ne voulais pas non plus revoir Marthe. Je l'aurais plutôt chassée de chez elle. Mais elle sanglotait. Tu es un enfant. Tu ne comprends donc pas que si je te demande de t'en aller, c'est que je t'aime. Haineusement, je lui dis que je comprenais fort bien qu'elle avait des devoirs et que son mari était à la guerre.